un métis qui vient du Cap de Cité. J'ai plein de points de contrôle, franchement je peux pas les citer. J'ai grandi en France, galéré pendant l'enfance à se balader sur le bitume là où mon père n'a pas eu de chance. Je marche sur les routes de la France et je m'évade. Je suis un blanc, on me traite d'arabe, ça rend malade. Alors je me balade avec des crouilles et des blagues. Je suis à demi tahitien, j'ai un flingue dans mon sac. Les Français nous disent de retourner dans nos bleds. On les a aidés pendant la guerre et crié à l'aide. Bref, voilà ce qu'il en est de nos jours. Je glande à marcher devant les bâtiments, les tours. On ouvre les fenêtres, on balance le mot amour. On sort de la cité et les flics font les vautours. Ils nous encerclent, nous cernent des visages, nos races. Nous disent qu'on n'est pas chez nous, cela nous rend vorace. Cela nous rend vorace. Je te dis mon quartier, c'était une dizaine de bâtiments. Le moulin est ici, la violence règne fortement. On est plein de jeunes qui se baladent, qui bat de hall en hall. On s'habille comme des lascars qui représentent la métropole. On fume une vingtaine de pelles pour 30 gars. On va traîner nos pites dans le parc trop méga. Mais bon, quand tu regardes et la façon de vivre, tu te dis ça pue la merde, que le mal te rend vive. Tous en bande, on regarde les gens d'un air vif. Nos regards font fuir la population. C'est l'instinct pour un débutant. Apparemment on est méchant, car je vois que pour ces gens on est des voleurs d'argent. On se bat pour rien, un pour tous, tous sur un. Tous les jours ça cogne et ça te met des coups de surin. On se tape du sky sur des bancs de la cité. Alors nos parents disent qu'on n'a pas de capacité. On balance nos bouteilles sur les stafettes de gendarmes. À ce moment là ils s'accélèrent, ils flippent, c'est un charme. De voir que le monde est à nous, de voir que le système nous rend fous.